Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1940, Pierre Dac, roi des loufoques et résistant. L'humour peut-il être une arme contre la barbarie? Cette question philosophique, pas sûr que le général de Gaulle se la pose quand le 18 juin 1940 à la BBC, il appelle les Français à ne pas baisser les bras et à venir le rejoindre à Londres. Pour libérer la France occupée, il a besoin de soldats, d'ouvriers, d'ingénieurs évidemment, pas de saltimbanques ni de clowns. Et pourtant, en 1944, quand il faudra rassembler les Français derrière les Alliés, c'est au plus talentueux des humoristes que la radio de la France libre fera appel pour gagner la guerre des ondes. André Isaac, alias Pierre Dac, français et juif, roi des loufoques et poète de l'absurde, homme de cabaret et de radio, humoriste très populaire, est aussi dès les années 30 un anti-hitlérien convaincu. Et les Allemands ne s'y trompent pas quand ils veulent l'arrêter dès leur entrée dans Paris en juin 1940. Homme traqué, Pierre Dac, juif et résistant, mettra plus de 3 ans, dans des circonstances souvent rocambolesques, à atteindre son but, rejoindre la France libre à Londres. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jacques Pessis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes aussi le commissaire avec Anne-Hélène Houg de l'exposition Pierre Dac, du côté d'ailleurs, dont France Inter est partenaire, qui se tient actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, en principe, puisque pour l'instant les musées sont fermés, on le sait, donc jusqu'au 25 avril. Jacques Bessis, vous avez un lien très étroit avec Pierre Dac. Comment est-il né ce lien, justement ? C'est que j'avais 15 ans, j'étais un fan de Pierre Dac. Un jour, je vais me procurer ses œuvres complètes et on me donne son adresse, 38 avenue de Villiers. Et je vais voir au 38, il y a un 36, un 40, mais pas de 38. Et j'ai mené ma première enquête journalistique. C'était loufoque déjà. Et je l'ai invité au lycée où j'étais, Claude Bernard, pour une conférence. Et dire que ça a été un coup de foudre, il a cru en moi. Je suis devenu son secrétaire général particulier et après son neveu adoptif, parce que j'avais un père et qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Et donc je suis devenu le légataire universel de son œuvre. Il disait toujours, il vaut mieux passer hérité à la poste qu'à la postérité. Et j'ai voulu démontrer le contraire. Pas mal. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en juin 1940. Pierre Dac écrit, 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, l'os à moelle disparaît parce qu'il se dissout au contact du ver de gris. Donc c'est déjà tout un programme. Pour quelles raisons les Allemands détestent-ils Pierre Dac et inversement Jacques Bessis? D'abord parce que Pierre Dac a créé l'os à moelle en 1938 et petit à petit, dans la drôle de guerre, ce journal est devenu politique et anti-hitlérien. Et Pierre Dac n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il attaque Hitler dans le Samoil, avec de fausses interviews, enfin, des trucs délirants, ce qui fait qu'il apprend un jour par Henri Janson, auteur dramatique et journaliste, que les Allemands l'ont mis en premier sur la liste des arrestations à Paris. Et c'est pour ça qu'il s'en va, parce que sinon je pense qu'il aurait été arrêté et déporté immédiatement. Pierre Dac, à ce moment-là, n'est pas un gamin. Quelle a été son histoire, justement, avant ? Pierre Dac est né le 15 août 1893 à Châlons-en-Champagne. D'ailleurs, comme il s'appelle André Isaac, il a souvent écrit au maire en disant « Je ne comprends pas qu'étant donné mes origines juives, ma ville natale ne soit pas rebaptisée Shalom en Champagne. Ouais, » pas mal. Il a un père boucher qui a beaucoup d'humour et il fait ses études qu'il poursuit sans vraiment les rattraper. Et il part à la guerre de 14. Et la guerre de 14, c'est important pour lui parce que ses grands-parents, qui sont d'Alsace-Lorraine, ont été expulsés d'Alsace-Lorraine en 1870 après le traité de Sedan. C'est donc les Vengés. Et puis il est blessé 2 fois à la guerre de 14. Il aura 5 citations. Son frère Marcel, son frère aîné, meurt pendant la guerre de 14 et ça va le traumatiser parce que c'est vraiment... il va dire pourquoi tant de haine. Et il revient ensuite, que faire? Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Alors il fait des petits métiers. Et puis un jour, il va dans un cabaret, la boîte à Furzy. Et il a le coup de foudre pour les chansonniers. Et commence à travailler. Et c'est comme ça qu'il va débuter le 6 octobre 1922 à La Vache enragée, qui est un cabaret de Montmartre très célèbre. C'est le siège de la Commune libre. Roger Tosini le reçoit, fait « C'est pas mal ce que tu fais, mais tu t'appelles comment ?»« André Isaac, c'est pas un nom de scène. Donc, tu es un chansonnier d'actualité, Dac. » Voilà. Et un prénom, on a cherché, et c'est devenu Pierre Dac. Et petit à petit, il va trancher avec le chansonnier traditionnel qui, lui, prend son papier, écrit l'après-midi sur l'actualité. Il va inventer ses premières pensées, ses premiers sketchs loufoques, et il va devenir le roi des loufoques. Comment est-ce qu'on peut caractériser son humour ? L'humour absurde. L'humour absurde, disait Pierre Dac, disait le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement con, mais c'est vrai. Il disait j'ai 5000 ans d'humour juif en moi-même, et c'est absurde. Il a créé l'absurde, c'est-à-dire en travaillant énormément ses sketchs, il a inventé une forme d'humour mathématique et imparable. Et c'est comme ça que sont nées des pensées. Quelquefois, il a mis 30 ans, 40 ans à mettre au point une pensée pour que le terme soit exact. Pierre Dac a très vite du succès, et dès les années 30, il s'intéresse aussi à d'autres formes d'expression nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est le cinéma et la radio. Oui. C'est lui qui invente les premières émissions en radio d'humour. Oui, le cinéma, ce sont quelques films sans grand intérêt, mais il est un pionnier. Et la radio, effectivement, il est un pionnier de l'humour à la radio. Toutes les grandes émissions de l'humour à la radio sont inspirées de Pierre Dac. Il a inventé sur Radio Cité l'Académie des Travailleurs du Chapeau. Ensuite, il a fait le Club des Loufoques, qui est la SDL, la Société des Loufoques, qui est un clin d'œil à la SDN, Société des Nations enceinte de l'ONU. Ouais. Et il fait la Course au Trésor, qui est un jeu repris aujourd'hui, qui consiste à ramener, formule Pierre Dac, un maximum d'objets totalement inattendus en un minimum de temps. Et c'est véritablement un tabac chaque jour. Il y a des émeutes pour être le premier à rapporter les objets de la Course au Trésor alors qu'on gagne une pelote de laine ou une bouteille d'apéritif. Jacques Bessis, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, 1940, Pierre Dac, roi des loufoques et résistant. Un texte de Pascal Memery, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Le rôle de Pierre Dac est tenu par le cher François Morel. Réalisation, Cédric Ossir. Boucherie chevaline, recherche chevaux désespérés, ne pas écrire, se présenter. La dernière petite annonce de l'eau s'amoile. On n'avait déjà pas le cœur à la rigolade, mais le sourire restait de rigueur. Qu'est-ce que je fous là, moi? Il n'y a plus personne. Je viens ici tous les jours alors qu'on a mis la clé sous la porte. C'est ridicule. Le gouvernement s'est tiré, les Allemands rappliquent. Quand, comment, personne ne sait. Et nous, on attend. On attend le désastre. C'est à devenir fou. Qu'est-ce qui se passe? Distribution de sacs de sable. Il faut s'attendre à des bombardements cette nuit. Ça promet. Tu vois, Marcel, ça recommence. Ça voudrait dire que tu serais mort pour rien. Ça, tu vois, je ne pourrais pas le supporter. Il est un peu plus de 16h30, ce mercredi 12 juin 1940, à Paris, au 43 rue de Dunkerque. Pierre Dac, de son vrai nom André Isaac, tourne en rond dans les locaux de son journal, L'Os à Moelle. Cet hebdomadaire résolument anti-hitlérien qu'il a créé en 1938 avec cette devise « Pour tout ce qui est contre, contre tout ce qui est pour ». À la drôle de guerre a succédé le 10 mai le début de la débâcle. Après les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, la France, à son tour, est envahie par les Allemands. Rouen tombe, puis Reims. Comme le dirait Pierre Dac, il y a du mou dans la corde à nœud. Dina, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas au théâtre? Pierre. Excuse-moi pour ce matin, je m'énerve pour rien. Je ressasse le jour, la nuit, je reconnais, je suis sinistre. T'aurais pu trouver mieux qu'un vieux crouton comme moi. J'ai jamais aimé les bouts en train. Pierre, j'ai une mauvaise nouvelle. Et ça sert à rien de s'asseoir, on sera mieux debout. Tu me fais peur. Henri Janson est venu me voir au théâtre, il a insisté pour me parler en tête à tête. On a dû arrêter la répète. À ce point? Les Allemands arrivent à Paris. C'est pour demain ou après-demain. Demain? On va les recevoir comme il se doit. On va se battre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Janson? Il est journaliste, très bien placé. Il a des informateurs, forcément. Nina. Les Allemands ont, paraît-il, une liste de gens influents à arrêter en priorité. Et... tu es sur cette liste, Pierre. Moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je les ai un peu charriés, de là à faire de moi quelqu'un d'influent. Bon, tu n'as cessé de les tourner en ridicule, mais là n'est pas le problème. Et c'est quoi le problème? Tu es sur la liste des juifs influents. Une liste de juifs influents. Ils ont osé faire ça. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous envoyer bosser dans leur territoire occupé comme une... Et on va quitter Paris, les bagages sont prêts. On y va. Quitter Paris maintenant? Demain, ça risque d'être trop tard. Viens. Je suis français et un français, ça défend sa patrie, ses compatriotes. Ça ne prend pas la fuite. Quitter mon pays, déserter, moi, enfin, Gina, plutôt crever. C'est en restant ici que tu risques de crever. Tu les aideras comment, tes compatriotes, quand tu seras mort? On parlera tout ça dans la voiture. Je suis garée juste en bas. On part. Une voiture? Quelle voiture? On repasse pas avenue Junot. Viens. Mais on va où? Réponds-moi, Dina. Au milieu de hordes de Belges, Luxembourgeois, Français du Nord, qui eux aussi fuient l'envahisseur, Pierre et Dina vont rouler toute la nuit. Direction le village de la Bussière en Bourgogne. Fernand Rosena, acteur, vieil ami de Pierre Dac, leur a prêté sa maison, baptisée l'Entracte. Dina Gerville, actrice elle aussi, a rencontré Pierre Dac au début des années 30. Mais faute à la timidité maladive de l'humoriste, leur histoire d'amour n'a débuté qu'en 1934. Depuis cette date, à la ville comme à la scène, ils ne se quittent plus. 22 juin 1940. Ce truc. Dina ! Dina ! Ouvre la porte, s'il te plaît, la porte. Tu as trouvé une radio ? Le voisin nous la prête le temps qu'il faudra. Un brave type. Un fan de l'eau Samuel. Ils ont signé. Quel déshonneur. Signé quoi ? Pose-la là, il y a une prise juste à côté. L'armistice. La France doit remettre tous les ressortissants allemands qui seront désignés par le gouvernement du Reich. Ils avaient donné leur parole. Les prisonniers politiques allemands et les... Oui, les juifs allemands aussi. Et ils coupent la France en deux, figure-toi. Au nord, la zone occupée. Au sud, la zone libre. Et nous ? Zone libre. La seule bonne nouvelle. Ah non ? Il y en a peut-être une autre. Le voisin m'a dit qu'il y a 3-4 jours, il a entendu un certain général de Gaulle à la BBC. Il est sous-secrétaire d'État à la Défense. De Gaulle. Ça ne s'invente pas. Même à l'os, on n'aurait pas osé. Et alors ? Il paraît qu'il a lancé un appel. Un appel à quoi ? À désobéir. Il doit reparler ce soir, maintenant, quoi. On peut pas rater ça. J'espère qu'on va capter. Merde, ça a dû commencer. Je trouve pas le bon canal. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici... En Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Tu pleures ? De joie, cette fois. Tu te rends compte, ils demandent des volontaires. Et tu veux rejoindre ce général de Gaulle ? Pourquoi pas ? Ils cherchent des ingénieurs, des ouvriers, pas des saltimbanques, pas des clowns. Qui a remonté le moral des troupes pendant la drôle de guerre. Une bande de clowns. Tu partirais seul? Avec toi, quelle question. C'est la première fois que j'ai peur. Partir pour Londres, c'est l'idée fixe. En attendant, Pierre et Dina filent à Toulouse retrouver Rose Schouver, la mère de Dina, qui tient un café place Jeanne d'Arc, le Crystal Bar. Pierre Dac comprend très vite qu'il lui faudra gagner de l'argent afin de financer son départ. De plus, la résistance locale lui fait comprendre qu'il doit attendre le feu vert de Londres. Attendre, tout ce que Dac déteste. De son côté, Rose Schouver lui présente les membres du réseau Berthaud, dont le Crystal Bar devient peu à peu le QG. Les mois passent, le couple monte des spectacles, l'argent rentre. Mais la réponse de Londres arrive. Des questions techniques diffèrent tout départ dans l'immédiat. La déception est de taille. Les questions techniques, je ne crois pas une seconde. J'écoute la BBC tous les jours, je vois très bien comment je pourrais trouver ma place parmi eux. Avec l'os à moi, j'ai fait que ça, remonter le moral des troupes. Ils ne te connaissent pas comme homme de radio à part tes blagues à la Société des Loufoques, ça leur fait peur. Si Lefebvre te conseille de patienter... Ça fait plus d'un an que je patiente. Je me passerai de leur accord. rien ne me fera changer d'avis. À part toi, bien sûr. Toi, tu pars et moi, je reste. C'est une évidence. Dina. Rien que le voyage, les passeurs, l'Espagne, le Portugal. À chaque étape, on peut se faire arrêter. Je risquerais de te gêner. Tu serais prêt à te dénoncer pour moi et tout serait fichu. Et puis, on n'aura jamais assez d'argent pour deux. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, on va être séparés. On ne sait pas combien de temps. On pourra ni s'appeler, ni s'écrire. Pense à moi dans les coups durs s'il y en a, et il y en aura sûrement. Dis-toi que je suis là, que je veille sur toi, jour et nuit. Tu me jures ? On a eu raison de ne pas se marier. S'ils viennent me chercher des noises, je pourrais toujours dire que j'ai rompu, que tu fais plus partie de ma vie. Tu dis rien ? Tu m'accorderais cette danse ? Il n'y a personne sur la piste. Oui, bien sûr. Je ne te marche pas sur les pieds. Du tout. Cette soirée au Crystal Bar résonne comme des adieux à peine déguisés. Pierre Dac doit trouver un passeur pour franchir les Pyrénées à pied et rejoindre Barcelone. De là, prendre un train qui le conduira au Portugal, puis un autre, et enfin à Gibraltar, un bateau pour Alger, avant de s'envoler finalement pour Londres. Autant de détours complexes pour éviter l'ennemi. Seuls inconnus, la date et l'heure du départ. Le 15 novembre 1941, enfin, par l'intermédiaire de Rose, Dac est prévenu qu'un passeur, Pedro, les attend, lui et deux autres voyageurs, dans une heure devant la gare de Perpignan. C'est en costume d'alpaga et en plein hiver que Pierre Dac entreprend l'ascension des Pyrénées. Terminé pour moi. Continue, Fernand. Laissez-moi sur place, advienne que pourra. Pensez à Dina. Pensez à Dina. Pensez à Dina. Pense à Dina. Allez. Incroyable mais vrai, le trio parvient à franchir les Pyrénées. Mais à Barcelone, deux gardes civils espagnols les repèrent. Direction la prison Carcel Modelo et sa cellule 450. Les conditions de détention y sont indescriptibles. Pas de lit, juste des couvertures posées à même le sol. Pierre Dac est au fond du trou. Un petit colis de la Croix-Rouge va toutefois améliorer l'ordinaire. Pas grand-chose, un peu de chocolat, mais surtout du papier et des crayons. Soliloque à ma paillasse. Lorsque je te contemple aux couches sans éclat, si triste est ton aspect de pile ou bien de face, que dans le vain désir de te voir moins à plat, je murmure à mi-voix, allons, ridons paillasse. Comme l'a proclamé le divin Ménélas, l'espoir perd tous ses droits quand l'espérance est morte. Il ne me reste plus qu'à dire « Amen, hélas », devant le résultat que ta présence apporte. Libéré en avril 1942, Pierre Dac doit rentrer en France. Mais à Toulouse, rien ne lui étant épargné, il apprend que sa tête est mise à prix. En novembre, la zone libre est envahie à son tour et les rafles anti-juives se multiplient. Plus que jamais, il doit partir. Rose Schuver présente Pierre au groupe de résistance Béryl qui lui fournit de faux papiers. Et si cette deuxième tentative était la bonne ? De toutes ses forces, il veut y croire quand il entre, valise à la main, en gare de Perpignan. C'est pas le moment de flancher. Mon nom est Pierre Duval, je suis citoyen canadien. Pourvu que je ne sois pas obligé de prendre l'accent québécois, je n'ai jamais eu aucun talent pour ça. Le train pour Barcelone, pas encore affiché. J'avance, ni trop vite, ni pas assez, comme ça, c'est bien. J'ai décidé de décliner l'invitation de la Gestapo qui me conviait personnellement à un grand festival rédempteur de matraque. Très peu pour moi. Ah ça y est, voie 9, voiture 4. Allons-y, tout a l'air normal. Voiture 4, nous y voilà. Presque 3 ans que j'attends ça. Merde. Monsieur, bonjour. Contrôle de billets, s'il vous plaît. pied, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur. Votre billet, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il faut ? Pourquoi il le garde comme ça ? Monsieur Duval. Oui ? Pierre Duval. Oui ? C'est interminable. Merci. Il reste ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Bon voyage. Monsieur Dac. Je révise tous mes préjugés sur les contrôleurs. Ces gens sont épatants. Le sort s'acharne sur Pierre Dac. De nouveau contrôlé à la frontière, il est envoyé cette fois en résidence surveillée. Mais il en sort bientôt, échangé contre des sacs de blé et quelques fûts d'essence. Après 2 semaines d'un long périple, Pierre Dac finit par atteindre le port d'Alger. Et le 12 octobre 1943, enfin, il s'envole pour rejoindre Londres et la section française de la BBC. Avec cette fois le feu vert de Maurice Schumann. Au petit matin, il arrive devant Bush House, au cœur de Londres. Il entre, très ému, présente son ordre de mission, monte au 2e étage, où Jacques Duchesne, le rédacteur en chef de l'émission « Les Français parlent aux Français », l'attend dans son bureau. Bienvenue à Londres, monsieur Dac. La France libre est heureuse et fière de vous accueillir. Bon voyage ? Un peu long, presque 3 ans. Monsieur Dac, êtes-vous venu ici pour jouer les vedettes ou pour vous incorporer tout simplement dans notre équipe ? Monsieur Duchesne, en me posant pareille question, vous me faites grave injure étant donné, vu que je... Vous venez de réussir votre examen de passage. Considérez-vous comme d'ores et déjà adopté par nous. Je voulais vous voir seul à seul avant de vous présenter à l'équipe. Une tasse de thé ? Sucre ? Un peu sans sucre, merci. Je vous écoute. Nous avons quelques soucis en ce moment. Même si nous n'avons jamais douté de la victoire des Alliés, le moral en a pris un coup. En juin, Churchill avait promis un débarquement avant l'automne et rien ne s'est passé. Et en septembre, les bombardements anglais sur Paris n'ont rien dû arranger. Nous savons maintenant qu'il sera impossible d'échapper à un 4e hiver d'occupation, entre froid, restrictions, arrestations et déportations. Nous devons redonner le moral aux Français et à la Résistance. On a besoin de vous, Dac. D'un souffle nouveau, incisif. Vous êtes notre joker. L'ennemi à abattre, c'est Radio Paris. La seule radio qu'on ait le droit d'écouter en France. Écouter la BBC peut vous valoir la déportation. Les Français, heureusement, désobéissent. Il faut qu'ils soient encore plus nombreux à le faire. Nous, on ne leur cache pas la vérité. Pas comme Radio Paris, qui fait de la désinformation systématique. Ils ont des moyens considérables. Toutes les vedettes passent sur Radio Paris, les grands orchestres. On doit taper plus vite, Pierre, et plus fort. Vous seriez prêt quand ? Un jour ou deux. J'ai besoin de rencontrer toute l'équipe. Ça va de soi. Pour le reste, une question. Je suis sans nouvelles de ma compagne depuis des mois, Dina. Dina Gerville, je suis très inquiet. Je vais voir avec les services de renseignement. Je vous tiens au courant. N'oubliez jamais que nous avons tous l'interdiction formelle de rentrer en contact avec nos proches. Pour les protéger, je sais. Je veux juste de ces nouvelles. N'oubliez pas, vite et fort. Entrez. Ah ! Jean, que je vous présente. Pierre Dac, Jean Oberlé. Chanteur, dessinateur, auteur de sketchs. Vous partagerez le même bureau. Je connais votre travail, je vous écoutais beaucoup entre 2 séjours en prison. Et moi donc, j'achetais l'eau sa moelle toutes les semaines. Je suis en train de serrer la main d'un maître. Un maître en loufoquerie. 1m63 surtout. Appelez-moi Pierre. 30 avril 1943. Dans le studio de la BBC, l'atmosphère est particulièrement recueillie. La veille, Jean Oberlé et Pierre Dac ont enregistré leur nouveau générique sur l'air célèbre de la Cucaracha. Duchesne, Oberlé, les techniciens guettent la première apparition de Pierre Dac. Le voici qui entre, timide, effacé comme à son habitude. Courtois et attentif, il salue tout un chacun. À la fois prince et va-nu-pied, s'étonne intérieurement Duchesne, tandis que Dac chuchote à son oreille. « Des nouvelles de Dina ?»« Elle travaille au théâtre. Une pièce de Raymond Souplex au théâtre des Deux Ânes. Le rêve de Monsieur Belette. Tout un programme. » Je suis content, vous ne pouvez pas savoir. Merci, merci Jacques. On peut y aller, messieurs, dames. C'est quand vous voulez. On est prêt en régie ? Ok, on envoie le nouveau générique. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand. Mes chers compatriotes, c'est pour moi une extraordinaire sensation que de pouvoir ce soir vous parler librement devant ce micro. Alors qu'il y a environ 2 mois, j'étais encore à méditer entre les 4 murs d'une cellule sur l'opportunité d'écrire une pièce de théâtre que j'aurais intitulée « L'homme d'intérieur malgré lui ». Ce qui démontre d'une manière péremptoire, absolue et définitive que la prison mène à tout à condition d'en sortir. Pendant ce temps-là, en France, dans un bureau de Radio Paris, la radio de la collaboration... Alors comme ça, tu es le nouveau stagiaire. Quel est ton prénom ? Je m'appelle Maurice, monsieur Henriot. Tu veux être journaliste ? C'est bien ça. Sais-tu au moins qui je suis ? Vous êtes Philippe Henriot, journaliste à Radio Vichy, mais vous avez plein de copains, enfin je veux dire des amis, ici à Radio Paris. Vous faites partie de la milice aussi. C'est mon père qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, ton père ? Tiens, mets-moi la BBC. Que vous détestez les juifs et les communistes, donc, comme mon père. Merci, on peut me laisser. Ne vont pas manquer de s'écrier un loufoque à la radio de Londres, c'est complet. De ricaner, de faire de fines plaisanteries en se mettant de grands coups d'eau de Vichy derrière la croix gammée. Ma loufoquerie, puisque... Encore lui. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à Radio Londres, ce ringard de Dac, un vieillard sénile. Mes camarades pour reconquérir notre droit de vivre au grand soleil de la liberté. Depuis plus de 3 ans, mon existence a été celle de tous les Français qui ont estimé que l'ordre nouveau ne pouvait subsister que jusqu'à nouvel ordre. Personne ne m'a prévenu. On ne va pas laisser ce chien de juif nous traîner dans la boue. Je vais lui faire passer l'envie de recommencer. T'es encore là, toi ? Va prévenir M. Paqui que je veux le voir immédiatement. C'est qui, Paqui ? Quel étage ? Le speaker vedette de cette maison. Tu ferais mieux de changer de voix. Ouais, j'y vais moi-même. C'est aussi de tout. Éteins-moi ça ! Vous pensez que de concession en concession, les gens de Vichy finiraient par donner à la France une concession à perpétuité. Moi, je l'aime bien. Pour ne pas dire une fausse commune. Je l'écoutais tout le temps quand et j'étais. Pourquoi je donne aux collaborateurs le conseil désintéressé de rigoler un bon coup pendant le court répit qui leur est imparti. Quand, un jour prochain, nous leur ferons avaler leur bulletin de naissance, il est infiniment probable que la rigolade changera de camp. Je voudrais dire aussi à mes camarades de lutte, qui sont à présent pour la plupart dans les geôles de Vichy ou de la Gestapo, que ma pensée ne les quitte pas. Sur ce, mes chers compatriotes et amis, laissez-moi vous donner ce slogan en guise de conclusion. La révolution nationale a commencé avec un bâton et 7 étoiles. Elle finira avec une trique et 36 chandelles. Le lendemain, c'est la liesse à Radio Londres. On a appris que l'antenne parisienne a enregistré un véritable pic électrique tout au long de l'émission de Pierre Dac. Le signe manifeste que beaucoup de Français, ce soir-là, ont transgressé l'interdit et écouté la BBC. Dac vient de remporter sa première victoire, et avec lui, celle de la France libre. En guise de récompense, Jacques Duchesne lui propose un mystérieux moment de recueillement à la chapelle. La voilà donc votre chapelle. Very nice. Church of Highland. Et si nous reprenions un verre de ce délicieux jus de trail de la vieille Écosse ? C'est ma tournée. Garçon ! Et ici, on va au bar et on commande. Vous voulez que... J'y vais de ce pas. 3 scotches, please. Thank you very much. How much? Comment ça, nothing? Vous êtes sûr? Nothing? C'est fort de café, ça. Merci, monsieur. Merci. Merci very much. Il va falloir que vous m'expliquiez cette incongruité. On ne paie pas ici. C'est gratuit pour les Français, c'est comme ça dans tous les pubs à Londres. Alors là, chapeau. Je lève mon verre à tous ces messieurs. Gentlemen. Vous allez dire que j'abuse, Jacques, et vous aurez raison. Allez-y. Me serait-il possible un jour de croiser le général de Gaulle à la BBC? Faudrait demander à Maurice Schumann. Vous savez comment les Allemands l'ont baptisé? Général Micro. Tu l'as déjà vu, toi, Jean? Aperçu une fois. Je sortais de l'ascenseur et lui, il est rentré. Je t'envie. Il passe presque toujours à l'improviste au gré des événements et de son emploi du temps. Je vous promets rien. À part ça, je suis en pleine réflexion sur notre ligne éditoriale. Le succès d'hier nous montre qu'une certaine forme de gravité a payé. Vous avez parlé des souffrances des Français. Visiblement, ils ont été touchés. La répression s'intensifie. Les résistants, les réfugiés politiques livrés à la Gestapo, les enfants juifs arrachés aux bras de leur mère, les déportations, les tortures, les exécutions d'otages. Hier, on leur a montré qu'on savait, qu'on était avec eux. Faut continuer. Mais comment faire? Moins de blagues, moins de chansons? En même temps, c'est casse-gueule. La forme du sketch est peut-être plus indiquée. Ce que vous essayez de nous dire, c'est un peu plus de vérité et un peu moins de fantaisie. Vous avez tout compris. On change le dosage. Je sais, c'est pas gagné. Décembre 1943, Noël approche, le quatrième Noël de guerre pour Dac, un Noël d'exil celui-là. Dans leur petit bureau de la BBC, fort des nouvelles consignes, Pierre Dac et Jean Oberlé s'en donnent à cœur joie. On reprend à partir de là ? Les patriotes, on y va. Les patriotes qui font sauter les ponts, les voies ferrées. C'est des bandits. Les Français qui risquent leur peau pour permettre à un patriote d'échapper au STO. C'est des bandits. Les Français qui souffrent dans les prisons, qu'on torture, qu'on guillotine, qu'on enterre comme des chiens. C'est des bandits. Désolé de vous déranger. Pierre, je peux vous parler deux minutes? Je vous laisse. Henriot démarre deux éditoriaux sur Radio Paris. Débit quotidien. Allons bon. Et ce n'est pas tout. Il est question de sa nomination en janvier au secrétariat d'État à l'information et à la propagande. Le Goebbels français. Vous imaginez le désastre? Ça fait beaucoup de promotions d'un coup. C'est une catastrophe. Ce type est redoutable, il a tout pour lui. Le talent, le succès, le fric. On l'appelle déjà la voix d'or de Radio Paris. Sans parler de son rôle dans la milice, en même temps. Continuez. On va l'avoir deux fois par jour en face de nous sur Radio Paris. On devrait pouvoir s'en payer une tranche, si vous me permettez l'expression. C'est exactement la raison de ma présence ici. Inutile de vous le rappeler, le débarquement allié est imminent. Henriot peut tout anéantir. Vous allez le provoquer, Pierre, mais en face à face, par radio interposée. Vous allez le coincer, qu'on en finisse avec lui une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Un genre de joute oratoire? Un duel. Un duel à mort, mais sur les ondes. Réfléchissez bien. L'exercice est extrêmement périlleux. Je pense à votre compagne. Ils l'ont laissée tranquille jusqu'à maintenant. Les choses pourraient changer. Ça mérite effectivement un délai de réflexion. De deux choses l'une. Ou je suis un échec, je passe pour un con verbal, qu'une importance toute relative. Où je réussis, on arrête ma femme. Ce qui est, pour moi comme pour elle, d'importance majeure et capitale. Inutile de réfléchir davantage. J'accepte, c'est mon devoir. Pierre Dac affûte sa stratégie. Provoquer Philippe Henriot, le provoquer jusqu'à le faire sortir de ses gonds, ou en tout cas parvenir à déceler chez lui la faille qui permettra à l'humoriste d'asséner le coup fatal. Il va s'appuyer sur un discours prononcé par Henriot quelques jours plus tôt à Toulouse. Le 20 avril 1944, dans les locaux de la BBC, un nouveau chapitre de la guerre des ondes s'ouvre, crucial. Et quand Monsieur Henriot, Philippe, s'écrie « Allons enfants de la patrie, contre nous, de la tyrannie, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde entier, l'étendard sanglant élevé. » Monsieur Henriot, Monsieur Henriot, vous êtes bien sûr que ce n'est pas de l'étendard sanglant à croix gammée que vous voulez parler? Et Monsieur Henriot, parlez-nous de ces bons, de ces grands, de ces braves Allemands, si tendres, si doux, si affectueux, si humains, qui luttent avec tant de courage et tant de grandeur d'âme. et la riposte de Philippe Henriot arrive enfin, quelques jours plus tard, depuis le luxueux studio de Radio Paris. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, naissait à Châlons-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Cannes. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France ? À part la scène de l'ABC où il s'employait à abêtir un auditoire qui se pâmait à l'écouter. La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui ? Cet apatride se moque éperdument de ce qui arrivera à la France. S'il s'insurge contre les Allemands, ce n'est pas parce que ceux-ci occupent la France dont il se moque. C'est parce qu'ils ont décidé d'éliminer le parasite juif de l'Europe. Oh, merci, monsieur Henriot. Merci de me l'avoir tendu, cette perche que j'espérais tant. Ah, merci, surtout de ne pas vous être renseigné sur mon passé. Vous, le ministre de l'Information et de la Propagande. Le texte que je vais écrire pour vous cette nuit a déjà un titre. Bagatelle sur un tombeau. Le lendemain, à la BBC, le bruit se répand que la prochaine allocution de Pierre Dac sera de nature à rester dans l'histoire et peut-être même à la bouleverser. Après une riposte cinglante, il en vient à l'attaque la plus personnelle d'Henriot à son encontre. Dans le studio, tout le monde retient son souffle. « Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler en passant que mes parents, mes grands-parents et d'autres avant eux sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être par hasard entendu parler. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où depuis toujours on sait ce que ça signifie la France et aussi ce que ça signifie l'Allemagne. » Un dernier détail, puisque vous avez si obligeamment cité au cours de votre laïus les noms et prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous dire que vous en avez oublié un, celui de mon frère Marcel. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux, tournez à gauche dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par un obus allemand le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre tombale, sous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée « Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français ». Bonne nuit, monsieur Henriot. Et dormez bien, si vous le pouvez. Philippe Henriot va trouver mieux, le sommeil éternel. Le 28 juin 1944, il sera abattu à son domicile par la résistance. Entre-temps, le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. Pierre Dac n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre la France, retrouver Dina. Il ignore qu'elle a été arrêtée le lendemain de la mort de Philippe Henriot. Il ignore qu'elle a accueilli la Gestapo par ses mots. C'est seulement maintenant que vous arrivez, vous en avez mis du temps. Il ignore qu'elle a pu regagner leur domicile de Montmartre, où elle l'attend nuit et jour. Le 23 août, Pierre Dac, muni de son ordre de mission réglementaire, quitte Londres. Il arrive à Paris le jour de la libération, le 25 août 1944. Paris, Montmartre, la butte. Je voudrais que tu vois ça, mon petit Marcel. Paris libéré, des drapeaux partout. Tu vois, t'es pas mort pour rien. 49 avenue Junot, c'est là, c'est chez moi. Dina. Dina. Pierre. Oh, tu m'as manqué tellement. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, ce béret? Ma tenue de héros. Parfaitement. Je t'apporte ça. Un bout de papier, c'est gentil. Pour elle, c'est un poème? Je n'ai pas obligé de le lire tout de suite. Bien sûr que si. Lorsque je reviendrai au jour de délivrance, mon cœur battra si fort qu'il bondira, avant même que j'aie foulé le sol de France, pour aller le premier se blottir dans tes bras. Quand nous retrouverons notre raison de vivre, sous l'azur bleu d'un ciel séchant son dernier pleur, de notre beau roman nous rouvrirons le livre, brutalement fermé par le vent du malheur. J'aime ces pays où quand on sonne chez vous de bonne heure le matin, ce n'est que le laitier. « 1940, Pierre Dac, roi des loufoques et résistants » de Pascal Memery, avec Pierre Dac, François Morel, Dina Gerville, Aurélie Biédou, Jacques Duchesne, Bruno Paviot, Jean Oberlé, Laurent Charpentier, Philippe Henriot, Luc-Antoine Diquero, Maurice, Benjamin Meneghini, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Pierre Henry, assistante à la réalisation Alexandra Garcia Villa, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Pierre Dac avec mon invité Jacques Pessis. Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. De Feu Chatterton sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florent Layani. Jacques Pessis, C'est une belle histoire qui se termine bien, hein, mais ce que Pierre Dac et Dina aussi, sa compagne, ont vécu, leur guerre, elle a été dure. D'abord, il y a ce périple, hein, les multiples tentatives pour quitter la France auraient pu échouer et même mal tourner. Pierre Dac veut rejoindre Londres, c'est son idée fixe, on l'a entendu, mais est-ce que Londres, de son côté, l'attendait les bras ouverts? Parce qu'ils ont quand même mis du temps à lui donner le feu vert. Il faut savoir qu'en 1940, la France libre, en octobre, c'est 7000 personnes, rien du tout. Radio Londres existe, mais avec une désorganisation totale, malgré la présence de Jacques Duchesne, qui était à Londres, qui était un homme de théâtre et directeur artistique. Et puis, Pierre Dac, c'est un loufoque. On veut être sérieux à Londres. C'est pas l'actualité. Et finalement, la guerre évoluant, petit à petit, Radio Londres et ceux qui travaillent à la BBC vont se rendre compte que Pierre Dac peut apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on attend de lui, justement, quand ils le font venir, quand il arrive en octobre 1943? On attend quoi? Qu'il divertisse les Français, parce qu'il souffre, parce qu'il déprime sous l'occupation. Mais est-ce que c'est aussi déjà pour éveiller les consciences? Alors, Jacques Duchesne, au départ, reçoit Pierre Dac pour de l'humour, mais il ne sait pas trop. Et finalement, c'est Pierre Dac lui-même qui va trouver la solution. C'est-à-dire qu'il va faire son humour, mais adapté à la situation, avec une gravité qu'il n'avait pas au temps de L'Os à Moelle et au temps des émissions de radio. Et c'est petit à petit qu'il construit son style politique qui va d'ailleurs influer la suite de sa carrière. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Pourquoi te cramponner? Le Reich est bien malade, maintenant ça te tombe dessus, c'est toi qui l'as voulu. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Donc un extrait des multiples chansons que Pierre Dac a écrites et qui sont tirées du coffret Le meilleur de Pierre Dac. Ce sont 3 CD, le coffret est édité chez EPM. À la BBC, Pierre Dac, jusqu'en août 1944, hein, moment où il va partir pour la France, Pierre Dac écrit plus de 80 éditoriaux et chansons, donc sur Pétain, sur les collabos et sur les occupants. C'est énorme. C'est énorme, c'est à raison de plusieurs sketchs par semaine et de chansons enregistrées dans un studio à côté de Londres, et avec un véritable orchestre. Et Pierre Dac étant quelqu'un qui écrit pendant des jours et des nuits, quelquefois une chanson, c'est une nuit de travail. Homme de Darnan, triste suppôt de la milice, bourreau, bouchard, traître et salaud de basse police. Ce n'est pas 12 balles dans la peau qu'on vous destine. Vous finirez sous le couteau, la guillotine. Pierre Dac, ici, s'attaque à Joseph Darnan, qui était donc le chef de la milice. On sent que le ton est humoristique, mais il est aussi très offensif, voire violent. Hein. On est quand même dans une guerre, clairement. Il appelle quand même à la mort de Darnan. C'est comme Pierre ça Dac dans plein de chansons. Oui, mais Pierre Dac était un patriote qui défendait son pays. Il l'a prouvé entre 14 et 18. Il continue. Il n'est pas là pour faire de l'humour. Bien il est sûr. Là pour défendre son pays. Et l'humour politique, pour lui, c'est la défense de ce pays. Donc, quand on dit faire son devoir, c'est tellement fort qu'il dira plus tard, en parlant de ceux qui n'ont rien fait, les véritables résistants sont ceux de 1945 parce qu'ils ont résisté pendant 4 ans à leur désir de faire de la résistance. Et il y a donc le fameux duel avec Philippe Henriot. Pour quelle raison, donc début 1944, Jacques Duchesne lui demande ce duel avec Henriot? L'enjeu, il est où? Il est stratégique. Jacques Duchesne dit à Pierre Dac, on n'arrive pas à s'en sortir avec Henriot. C'est vraiment, ses éditoriaux sont écoutés par Radio Paris, et il a tellement de talent, ce qui est vrai, que ça marche. Donc, faut le contrer. Et il n'y a personne qui peut le contrer à part vous. C'est comme ça que c'est né. Et la lutte contre Henriot est tellement forte qu'elle va marquer Pierre Dac à vie et que ce texte, Bagatelle sur un tombeau qu'on a entendu, est aujourd'hui étudié dans les écoles. Oui, alors le titre Bagatelle sur un tombeau, est-ce qu'il est emprunté, enfin comme une réponse évidemment, au texte pamphlet antisémite de Céline, Bagatelle pour un massacre, qu'il avait publié en 1937? Bien sûr, puisque Pierre Dac lit beaucoup, a beaucoup de culture, et il a effectivement, il s'est inspiré de Céline pour faire un contre-texte. Donc l'enjeu, vous l'aviez dit, Jacques Pessis, c'est de contrer l'influence très importante de Philippe Henriot, parce que aussi les Alliés préparent le débarquement et qu'il y a beaucoup de bombardements à ce moment-là, alliés sur la France, qui sont évidemment impopulaires en France. Donc il faut, c'est une espèce de guerre de propagande. Une guerre des ondes, oui, mais la propagande, au départ, les Allemands ont été très forts, c'est-à-dire que la drôle de guerre a été perdue, parce que la propagande nazie a été très forte. Les Français ne s'en sont pas rendus compte, sauf De Gaulle, qui dans son premier livre, en 1930, écrivait que la radio allait être une arme de guerre. Je parlais en début d'émission du rôle que l'humour peut avoir ou non contre la barbarie. Pierre Dac me fait penser un petit peu à Charlie Chaplin et au Dictateur, son film, donc évidemment qui a eu un retentissement beaucoup plus international que Pierre Dac, qui lui était français. Est-ce que vous pensez quand même que Pierre Dac, à son niveau, a joué un rôle vraiment important pour la victoire des Alliés en 45? Il a joué un rôle tout à fait moral pour remonter le moral des Français. C'est-à-dire que l'écoute était si forte que les Français gardaient espoir. Et c'est vrai que un jour, j'en ai parlé à Maurice Schumann, qui a dit, Pierre Dac était tellement persuadé de cette force, qu'il a dit, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, mon frère serait mort pour rien. Ah, c'est beau. Après 1945, Pierre Dac va retourner à la vie civile. Il est décoré de la médaille de la Résistance, de la Légion d'honneur. Il reçoit aussi la Croix de guerre en 1946. Dans quel état mental est-il après cette Seconde Guerre mondiale, le grand humoriste? Quel est son moral? D'abord, il est plus patriote que jamais. Il m'a dit un jour être allé au procès de Jean-Hérold Packy. Mais il donc, dit, qui était le grand journaliste de Radio Paris. Bien sûr, avec Henriot. La collaboration. Et il dit, j'ai été écœuré par les propos que j'entendais par des gens qui n'avaient pas fait la guerre, que je suis parti au milieu. Et c'est vrai que Pierre Dac connaît un début de dépression. D'abord parce que, pourquoi tant de haine? Il n'a jamais compris. Et soyons clairs, après 44, quand il revient, il fait beaucoup de guerre gratuite pour la France, mais on ne le reprend pas à la radio. Temps de la loufoquerie est terminé. Les portes se ferment et s'ouvrent à des gens qui n'ont rien fait pendant la guerre. Oui, et puis des artistes qui ont continué à travailler pendant la guerre, il y en a eu pas mal aussi. Oh, il y en a eu un paquet. Et donc, alors que lui a beaucoup fait pour la résistance et pour la France, il est mis de côté. Et il va avoir 3 années très difficiles, tellement difficiles que Dina va être obligée de retravailler dans une parfumerie pour que le ménage puisse continuer à vivre décemment. Et il fera même plusieurs tentatives de suicide. Alors ça, c'est en 1958, plus tard, mais ça reste. À l'époque, on n'appelait pas ça la déprime. C'était une dépression nerveuse et ça ne se soignait pas. Et un jour, il m'a dit, j'avais comme une araignée dans la tête. J'ai vu tous les médecins de la Terre. Aucun ne pouvait quoi que ce soit pour moi. On m'a simplement dit, un jour, ça partira. Il a fait 4 tentatives de suicide, dont une qui a failli réussir quand il s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Il a échappé à la mort et après, il a repris le moral et c'est a régné dans sa tête et parti du jour au lendemain. Dans les années 50, Pierre Dac retrouvera la scène, la radio, il formera son célèbre duo avec Francis Blanche, il écrira des livres, et puis en 65, il se présentera à l'élection présidentielle, un épisode assez loufoque, on peut le dire. Oui, et avec le MOU, le mouvement ondulatoire unifié, dont la devise est toujours d'actualité, les temps sont durs, vive le MOU. Exactement. Et Pierre Dac meurt, hélas, le 9 février 1975. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Vous êtes l'auteur d'une biographie, Pierre Dac, mon maître 63, édité au Cherche Midi. À lire de Pierre Dac, Un Français libre à Londres en guerre, chez Libretto. Pensées éternelles, édité au Cherche Midi. Et à écouter, donc, je l'ai dit, le coffret, Le meilleur de Pierre Dac, paru chez EPM. Et puis, à voir, bien sûr, quand on pourra, l'exposition Pierre Dac, du côté d'ailleurs, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, jusqu'au 25 avril, avec un catalogue de l'exposition passionnant, publié par Gallimard. Autant en emporte l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons au siècle de Louis XIV, en compagnie de Jean-Baptiste Tavernier, un riche négociant et voyageur protestant, qui va être emporté dans la tourmente de la révocation de l'édit de Nantes, qui donne le coup d'envoi des persécutions des protestants français. Jean-Baptiste Tavernier et la révocation de l'édit de Nantes, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.